Dossier 3. Leçon 3. Activité 8. Merci Priscille pour ce joli reportage. Mais je vous en prie, Benoît. Et pour terminer notre journal des régions, je voudrais m'adresser tout particulièrement à ceux d'entre vous qui vivent à Paris, qui sont parisiens mais qui se sentent pourtant profondément normands, savoyards, lyonnais, bretons, toulousains, alsaciens. Savez-vous que vous faites partie des 70% de Parisiens qui ne sont pas nés à Paris? Si c'est votre cas, vous venez de toute la France ou du monde entier et vous êtes plus de 100 000 à vous installer chaque année dans la capitale. Alors, il était temps que Paris vous mette à l'honneur. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement la fête des régions, qui sera donc le grand rendez-vous des 14, 15 et 16 octobre prochains, place Stalingrad à Paris dans le 19e. Cette manifestation est organisée par une centaine d'associations et plus de 200 restaurants régionaux installés à Paris. Des producteurs locaux, des associations et des offices de tourisme seront présents sur la place Stalingrad et vous proposeront de vous approprier la culture et la gastronomie régionale. Et les vrais Parisiens, eux, ils auront le droit de venir? Bien sûr! Et ce sera l'occasion pour eux de découvrir qu'on mange formidablement bien dans nos régions. Alors, si je comprends bien, entre amis, en famille ou en amoureux, un seul mot d'ordre: fête et convivialité.